Exactement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Paris. Bonsoir. Vous êtes en pleine forme. Je suis venu de Bruxelles, franchement, on est chaud. Alors, bah déjà, tu m'as spoilé toute ma présentation. Vous savez tout ce que je vais vous raconter. Je m'appelle Max, je viens de Bruxelles, effectivement. Je travaille pour mi-temps pour la VUB, Vrije Universiteit Brussel, en tant que chercheur en droit sur les questions qui lient les communs et les institutions publiques. Et l'autre moitié de mon temps, depuis 10 ans maintenant, je la passe à occuper des bâtiments vides. Je vais vous faire rapidement une intro sur cette partie-là et puis on va aller vers la suite. J'ai une petite demi-heure, c'est ça ? C'est parfait. 25 minutes. 25 minutes. Bruxelles, vous êtes déjà tous allés, tout allés ? C'est magnifique. Il y a l'atomium, il y a le petit bonhomme qui fait pipi. C'est une ville qui est pleine d'institutions européennes, mais c'est aussi une ville qui est pleine de bâtiments vides. Comme dans toute l'Europe, en fait, les grandes villes, mais aussi les petites villes, les villes moyennes sont vides. C'est un phénomène impressionnant, une fois qu'on y prête attention. Je vous passe les chiffres à Bruxelles, mais il y en a beaucoup. Des églises vides, des bureaux vides, des logements sociaux vides, abandonnés, qu'on laisse pourrir. Et en fait, on a fait le calcul avec les copains à l'époque, de combien d'espaces vides il y a à Bruxelles. Donc on arrive à 6,5 millions de mètres carrés, et 6,5 millions de mètres carrés, c'est beaucoup, genre, mais ça ne vous parle pas non plus, quoi. On dit, ouais, c'est beaucoup, sûrement c'est beaucoup. On a fait le calcul en terrain de foot, et puis je ne sais plus c'était quoi le chiffre, mais ça ne disait pas plus non plus, parce que je vous dis 15 terrains de foot, c'est pas très imagé. Et on s'est rendu compte d'autre chose. Bruxelles, c'est une ville qui est découpée en arrondissements, nous on dit des communes, parce qu'on utilise toujours d'autres mots que vous. Et donc c'est une ville avec 19 communes, et ben on s'est rendu compte qu'en fait c'est 6,5 millions de mètres carrés, c'est la taille d'une des communes de Bruxelles. Et donc on a décidé de créer ensemble la 20e commune de Bruxelles, pour là, vous voyez, ça fait beaucoup de mètres carrés, voilà. Et donc pour la visibilité, on l'a appelé Saint-Vide, Leesbeek, parce qu'on est une ville région bilingue. On en est très fiers. Donc l'idée c'était d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette question-là. Mais donc d'un côté, on a plein de logements et d'espaces qui sont vacants. Et puis de l'autre, on a des prix pour accéder aux espaces qui sont hyper chers. Alors c'est moins cher qu'à Paris, mais quand même, c'est déjà trop cher pour nous. On a des loyers qui ont doublé en l'espace de quelques années. Le nombre de sans-abri qui a doublé aussi. En même temps, de plus en plus de bâtiments vides. Cette espèce de truc absurde où d'une part, des bâtiments vides, de l'autre, des gens qui ont besoin d'espace. Vous voyez où je veux en venir. On s'est dit, pourquoi ne pas opérer une sorte de matching où on va occuper ces bâtiments vides. Alors ça existe déjà depuis très longtemps, hein, le mouvement squat occupe les espaces vides, mais nous on s'est dit, comme on est des gens polis, que c'était pas bien de casser la porte et de s'installer, qu'on avait demandé la permission, et puis que ce serait peut-être plus facile. En fait, c'était pas du tout plus facile, parce que pour qu'un propriétaire accepte, ça marchait pas. On se disait qu'on avait une bonne idée, mais les autorités publiques s'en foutaient, et les propriétaires aussi. Donc on a aussi cassé des portes, et puis finalement, on a eu la chance d'occuper un premier bâtiment, et ça s'est super bien passé, et donc on a répliqué cette formule-là, où en gros, on signe des conventions d'occupation précaire et temporaire, pour utiliser le terme légal complet, mais en gros, ce sont des contrats sui generis, ça veut dire qu'on met ce qu'on veut dedans, dans lequel on dit, t'as un bâtiment vide en tant que propriétaire, ça te coûte de l'argent de le gérer, de le sécuriser, et en plus, tout le monde te déteste dans le quartier, surtout si t'es une autorité publique, parce que t'as un bâtiment vide, il y a des gens qui dorment dehors, ça n'a aucune allure. Et nous, de l'autre côté, on propose de prendre en gestion ces espaces, de les occuper, de les faire vivre et de les ouvrir aux gens qui en ont besoin. Et le jour où il y a un vrai projet immobilier, promis, on s'en va, on vire tout et on peut vous pouvez commencer à faire votre projet immobilier. C'est comme ça qu'on a commencé en 2013. Alors, rapidement, on a trois typologies de types de projets d'occupation temporaire. Il y en a un qui sont ce qu'on appellerait, j'utilise le jargon des différents thèmes qu'on a entendu aujourd'hui, des tiers-lieux. Je sais pas, en fait c'est genre des maisons du peuple qu'on a remis un peu au goût du jour, mais des endroits dans lesquels il y a des activités sociales, culturelles, de la formation, des syndicats ou des associations qui peuvent se réunir, des écoles de devoirs, des artisans, des artistes qui utilisent des espaces et qui ont accès à moindre coût à ces lieux. On essaie toujours d'hybrider ça avec du logement autant qu'on le peut, en fonction de la nature des espaces. Et justement, c'est la deuxième typologie d'espace qu'on occupe, c'est les logements sociaux vides. Alors c'est le truc fou, hein. Donc vous avez vu le nombre de sans-abri à Bruxelles, et d'un côté il y a 10% du parc de logements sociaux qui est vide. Alors on s'est dit, captons ces espaces de logements sociaux qui sont vides, souvent c'est des attentes de rénovation, de permis, des budgets, de la bureaucratie publique qui peut prendre du temps. On propose de les prendre en gestion, on retape ces logements avec des boîtes d'insertion socio-professionnelle et avec des associations partenaires qui relogent des personnes sans abri, on ouvre des espaces de logement pour ces personnes-là pour des durées de 2, 3, 7 ans. Voilà. Et puis la troisième typologie de lieux, ce sont nous on appelle ça self-managed shelters, c'est pour les réfugiés, en grande partie des Ukrainiens. Maintenant il y a eu un gros appel pour ces réfugiés-là récemment, pour gérer des sites, ouvrir des sites pour des réfugiés ukrainiens dans lesquels ils sont dans une posture d'autogestion de leurs espaces. Donc on ne fait pas comme dans les traditionnels centres d'hébergement où on fait le nettoyage, la bouffe et tout ça, c'est les gens qui s'en occupent eux-mêmes, ils le font bien mieux que nous. Juste pour vous donner une idée de où on en est aujourd'hui, donc on est une association, on est 45 employés maintenant, on gère 10 sites à Bruxelles, il y a maintenant un peu plus de 300 habitants, dont à peu près 200 réfugiés et une petite centaine de personnes qui étaient des sans-abri, et puis quelques irréductibles post-squatteurs, classe moyenne, qui vivotent dedans aussi. Et puis une centaine de projets d'économie sociale qui sont hébergés, je les ai cités tout à l'heure dans la gamme de projets. On s'est aussi combien rendu des projets? Pardon? Combien de projets? Une centaine de projets. On a fait ça à Bruxelles, on trouvait qu'on était très malin et que c'était chouette, et puis on s'est rendu compte en fait qu'il y a des gens qui font ça dans toutes les villes d'Europe et puis ailleurs. On est rentré en contact par hasard avec des Québécois qui nous ont invités chez eux, qui font la même chose à Montréal, puis des gens à Riga. Et puis on a vu à Kiel, et puis en fait il y en a partout. On a créé un réseau européen qui s'appelle STEM, Social Temporary Use Network, qui est c'est le co-cycle de l'occupation temporaire, quoi, d'une certaine manière. Et puis on voit le potentiel de tout ça, ça permet effectivement de mobiliser des espaces qui sont des déchets du capitalisme pendant un instant T, et de leur donner une fonction sociale, de pratiquer un mode de gouvernance qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la ville en général, et d'offrir des espaces pour construire des alternatives en ville. Ça, c'est tout le pitch super positif où je vous vends mon projet. Maintenant, on va passer de l'autre côté, on va dire quand même, ok, à 3 ans, loger des sans-abri, et faire des projets d'économie sociale, pratiquer le commun, c'est grandiose, mais puis après, il y a le propriétaire, il arrive, public ou privé, il signe la fin de la récré, on rase le bâtiment, on construit un McDonald's, on n'est pas content. C'est quand même dommage, on se dit chaque fois. Et puis on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas sortir de ce cycle infernal où on fait des choses positives à un instant T? Tout à l'heure, j'ai oublié son nom, qui parlait de béquille du capitalisme, on nous a dit ça 1000 fois, ouais, vous êtes juste la béquille du capitalisme, faisons quelque chose, qu'on arrête de nous parler comme ça. Alors, on a réfléchi un peu, on dit comment est-ce qu'on peut sortir de cette production-là de la vie néolibérale, en gros, et pas juste prendre ces déchets urbains et en faire quelque chose un certain temps, mais aller vers du mieux. Je me rends compte que je n'ai pas pris mes notes, donc je vais aller freestyle. J'avais écrit quelques trucs en plus. Merci. Alors, c'est juste pour reprendre un peu on arrive à faire des îlots qui survivent à la vie néolibérale pendant un certain temps, mais on ne change pas la donne. On se rend compte que sur 10 ans, les prix ils ont continué à exploser et qu'on a servi à ce que des gens arrivent à s'en sortir, mais globalement, on n'a pas gagné la bataille, quoi. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas aller vers potentiellement le rachat de certains de nos espaces, et donc d'arriver à hacker un peu le droit de propriété et dire au moment où le propriétaire siffle la fin de la récré là, qu'il va le vendre à McDo, c'est un cas fictif, aucun de nos bâtiments n'a jamais été vendu à McDo, mais parfois il y a eu des bâtiments où on a dû sortir parce que c'était la fin de la phase temporaire et qu'il y a un projet qui a suivi, et on s'est dit que le projet n'était pas aussi bien que ce qu'on y avait déployé nous, et que si on avait les moyens économiques, on aurait bien racheté le lieu pour pouvoir pérenniser ce qu'on y a fait. Le problème, évidemment, c'est que racheter des lieux, c'est entrer dans d'autres logiques économiques, et que souvent nos occupants et le public n'ont pas les moyens, après, de payer les loyers qui seraient nécessaires à rentrer dans cette logique-là. Donc il y a un gap à combler. Et puis, on s'est mis à étudier les différents... c'est ça que je vous propose de voir aujourd'hui ensemble. On ne va pas du tout tous les voir, mais une petite overview de ça. Des bricolages qui existent pour utiliser la propriété un peu contre elle-même. Contre ses abus, en tout cas. Alors, le premier, qui a un mode intéressant, il me semble, c'est le cas du CLT, donc le Community Land Trust. En gros, c'est un mouvement qui vient au départ des États-Unis, dans lequel des Noirs qui étaient victimes de ségrégation entre la période de fin de l'esclavage et cette période-là, qui voulaient pouvoir continuer à cultiver la terre sur laquelle ils avaient dû travailler de force pour cette fois-là travailler pour eux, mais ils n'avaient pas les moyens d'être propriétaires de cette terre, et donc ils ont créé ces Land Trusts qui en gros séparent la propriété du sol de ce qui est au-dessus de cette propriété. Typiquement, à Bruxelles, en s'en inspirant, ils ont créé le Community Land Trust de Bruxelles, qui en gros crée une fondation qui est subventionnée par la puissance publique. Enfin, je crois que j'ai un slide qui explique ça en détail. Ouais, c'est bien. Maintenant, on va tous lire, ça va casser l'ambiance. Ok, je vous le refais d'abord comme ça. Donc, ils ont une gouvernance tripartite qui détient une fondation, qui détient du sol. Cette fondation est détenue par des citoyens, les habitants et les pouvoirs publics. Le sol est dans la fondation, ne peut jamais en sortir. Et puis, les bâtiments qui sont construits sur ce sol, il y a une amphithéose, donc un droit réel qui permet ça pour 99 ans, 99 ans. Fait en sorte que des gens vont pouvoir accéder à de l'immobilier à moindre coût puisque eux vont acheter un appartement, ils vont pas devoir payer le coût du sol qui a été subventionné par la puissance publique, mais la puissance publique ne pourra jamais, ou personne ne pourra jamais revendre ce sol. Et on va conditionner l'usage des logements à une certaine catégorie de population, pour le coup ici c'est des revenus, des ménages à revenus relativement bas qui rentrent dans les conditions du logement social. Et ils vont accéder à la propriété, mais pas de ton appartement comme si tu achetais ton appartement. Ils ont la propriété juste de l'appartement, mais pas du sol. Et ils ne peuvent le revendre qu'au prix auquel ils l'ont acheté. Ça fait qu'avec une subvention publique qui permet d'acheter du sol, on peut revendre un appartement moins cher à des gens, mais eux ne vont pouvoir le revendre qu'à ce prix-là. Typiquement, en général, il y a des mécanismes d'aide à l'acquisition de logements en Europe. Il y a une subvention qui est mise, et puis les personnes les achètent, et puis 10 ans après, ils revendent avec la plus-value, et puis il y a de nouveau une subvention publique, en fait, c'est de l'argent public qui sert à faire augmenter les prix du marché, quoi. Ici, c'est le contraire. Ça, c'est un mécanisme super intéressant. Et puis, nous, on s'est dit, avec justement le Community Land Trust de Bruxelles, qui ont construit déjà une centaine de logements à Bruxelles, mais eux ne peuvent faire, parce qu'ils ont un tiers de leur conseil d'administration, comme vous l'avez vu, qui sont des pouvoirs publics, ils sont conditionnés à faire du logement pour des personnes qui rentrent dans les conditions du logement social. Et nous, on s'est dit, mais on voudrait aussi pouvoir acheter des locaux pour l'économie sociale et solidaire. On aimerait aussi pouvoir faire du logement non acquisitif, par exemple du logement locatif pour des personnes sans abri qui sortent d'un projet temporaire de chez nous. C'est hors de question qu'ils achètent un logement, c'est beaucoup trop loin dans leur parcours. Par contre, ils pourraient déjà louer quelque chose. Et donc, on s'est mis à une dizaine d'acteurs de l'économie sociale et on a créé Fairground Brussels. En fait, on a créé Common Ground Brussels et on s'est fait attaquer par une société luxembourgeoise qui avait déjà acheté le nom de domaine. Donc on l'a changé pour Fairground, c'est bien aussi. Et en fait, Fairground a exactement le même fonctionnement que le Community Land Trust, sauf que ça fonctionne sans subvention publique, et donc ce sont des investisseurs privés, en vérité surtout de l'épargne citoyenne et des syndicats ou des mouvements sociaux, qui mettent de l'argent et qui nous permettent de reproduire ce mécanisme d'achat de sol qui reste dans une fondation et une coopérative qui construit, et la coopérative avec un droit d'amphithéose qui peut relouer des espaces ou les revendre, avec un plafonnement pour les revendre. C'est clair ou je vais trop vite sur le mécanisme de Land Trust? Ouais, ça va. C'est brillant. Ouais, c'est ça, la vie. Alors, l'autre mécanisme que je trouve aussi intéressant et qui part un peu d'une autre logique, c'est celui des Allemands. Alors, j'ai pris cette photo, si j'ai bien compris, ils disent la spéculation pour les spéculoses. C'est genre une blague allemande, je n'ai jamais compris. Et je l'ai gardé pour la présentation. Alors eux, ce qu'ils font, c'est un mouvement de squatteurs au départ. Il y a un chouette documentaire sur leur histoire où ils sont, maintenant elles sont âgées puisque c'est des projets qui ont commencé dans les années 80, et on voit deux meufs qui expliquent, bah voilà, on squattait ici et tout le quartier était squatté, et puis nous on a imaginé un mécanisme pour racheter notre bâtiment, on s'est fait traiter de social traître par tous les squatteurs, et puis maintenant bah, ils sont tous plus là, et puis nous on est là. Et alors, c'était intéressant de dire, ok, comment fonctionne leur truc. En gros, ils n'ont pas utilisé un démembrement sol bâti comme on vient de voir sur le Community Land Trust. Eux, ils utilisent le droit des affaires. Et en gros, ils ont créé une société anonyme qui va racheter un bâtiment. Et cette société anonyme va être composée de deux associés. Un associé, ça va être la communauté d'habitants. Disons que nous tous ensemble, on rachète un squat. On squatte quelque chose tous ensemble et puis on veut le racheter. On va créer une association entre nous, qui va s'appeler l'association Maison des Sciences Humaines Squat. Et puis, on va créer une société anonyme. Et un représentant d'entre nous va être une personne dans cette société anonyme, et l'autre associé, ça va être le Mitzvot Syndicat, qui est une association qui rassemble tous les collectifs comme nous. En Allemagne, il y en a plein. Et la seule mission du Mitzvot Syndicat, elle va nous laisser gérer tout ce qu'on veut dans notre maison. Elle va nous laisser faire tout. Mais un jour, on va dire, parce qu'on aura marre d'habiter dans un truc d'usage, la maison aura pris 100 fois sa valeur, parce qu'on aura eu de la chance. On en aura marre d'être des communistes, on voudra vendre et partir vivre sous les cocotiers dans 20 ans, quand on se sera bien embourgeoisé. À ce moment-là, on voudra la mettre en vente et le Mitzvot Syndicat, l'associé, son job, ça va juste être de dire non. Il nous empêchera, il a 50% des voix et donc on est coincé. C'est un mécanisme qui marche super bien. Aujourd'hui, ils ont déjà racheté plus de 150 propriétés en Allemagne. Je crois que c'est des vieux chiffres, donc il y en a encore plus. Ils ont étendu le modèle ailleurs. En France, il y a le CLIP qui fait ce système-là, si vous connaissez. Ils ont quelques lieux en France avec ce même système. Je trouve que c'est un mécanisme intéressant. Une autre manière de faire, c'est celui des coopératives d'habitants. On va en parler un petit peu plus en détail maintenant. Mais en gros, ici, ça va fonctionner avec un deal un petit peu plus institutionnel déjà, avec un apport de la puissance publique. Donc, des terrains vont être mis à disposition par la puissance publique qui va cette fois, pas comme dans le Land Trust où elle va le filer à une fondation, ici c'est la puissance publique qui garde la maîtrise du foncier, mais elle va le mettre à disposition via une amphithéose pour 99 ans à une coopérative d'habitants. Et dans cette coopérative, la spécificité, c'est que les habitants sont ni propriétaires ni locataires, ou bien ils sont et propriétaires et locataires, ça dépend comment on voit la chose. Ils sont sociétaires de la coopérative, donc ils sont propriétaires de l'entreprise qui est propriétaire de leur maison, et ils vont louer leur appartement à leur propre société. Le résultat de ça, c'est qu'ils vont produire les meilleurs logements qu'ils peuvent, puisqu'ils sont promoteurs d'eux-mêmes, ils veulent les meilleurs logements possibles, et d'un autre côté, ils veulent les louer le moins cher possible pour le plus longtemps possible. Et donc, ils cumulent, si on veut, c'est une forme de manière de hacker le droit de propriété et le droit de location pour avoir un droit d'usage de la meilleure qualité possible. Ici, c'est l'exemple de Abricope à Toulouse, qui est une des réalisations phares en France, sur ce sujet-là, une des rares réalisations sur le sujet en France. Est-ce que c'était clair, la coopérative d'habitants ? J'étais trop vite. C'est pas grave, on va le reprendre tout de suite. En fait, la question, c'est de dire, ok, les petits squatteurs, ils font des trucs, après, on fait des occupations temporaires, on arrive à le mettre un peu à l'échelle, c'est un peu de la gueule, puis après, on se fout dehors quand le capitalisme arrive avec un peu un truc sérieux, un vrai projet, comme on dit. Et puis après, on a réussi à hacker quand même ce développement-là en disant « Ah, mais nous aussi, on est capable de mobiliser des capitaux, de faire des petites alliances entre nous, de ramener notre tonton qui a de l'argent pour nous aider à racheter ou de faire un deal avec une municipalité locale parce qu'elle est vraiment motivée. » Mais il y a une question de dire de nouveau, comme tout à l'heure, « Ok, quelle place on arrive à prendre dans la fabrique urbaine avec ces logiques-là ? Comment est-ce qu'on peut les mettre à l'échelle ?» Alors, je vais donner quelques exemples où ces choses-là sont en cours. Alors peut-être du plus petit au plus grand, celui-là est connu, c'est la Borda à Barcelone, qui est un exemple de coopérative, eux ils appellent ça en cession d'usage. Ça ressemble très fort à ce que je viens d'expliquer à Abricope. Ils utilisent des droits de superficie sur des durées de 65 ans et pas des droits de 99 ans, c'est du droit espagnol, catalan, c'est pas exactement la même chose que chez nous. Mais de nouveau, c'est le même mécanisme sur des partenariats publics communs avec la mise à disposition de foncier public et des gens qui vont faire l'autopromotion de leur logement et qui vont y vivre. Ça implique aussi, une fois que ça s'institutionnalise, toute une série de conditions qui sont intéressantes aussi pour pas que ce soit juste des classes moyennes qui fassent ça entre eux. On va conditionner que l'accès à ces logements-là va être pour des gens qui, eux aussi, par exemple, rentrent dans les catégories du logement social. C'est une manière de le faire. À Barcelone, ils sont sur ce développement-là. Ils ont lancé plusieurs opérations pilotes. Ils ont inscrit ça dans leur politique publique. Ils ont commencé à mettre ça à l'échelle chez eux. Alors, en fait, eux, ils se sont inspirés du modèle zurichois. À Zurich, ils ont commencé ce truc, mais pas comme à Barcelone, il y a 15 ans, après la crise des subprimes et le fait que tout le monde a vu le loyer explosé et qui se sont retrouvés dans la rue à devoir s'auto-organiser. À Zurich, ils ont commencé il y a plus de 100 ans. En gros, à la fin du 19e siècle, les ouvriers ont commencé à construire leur propre logement. À travers ce même mécanisme, ils ont obtenu le soutien de la puissance publique et ça ne s'est jamais arrêté. Ça fait qu'à Zurich, moi j'ai halluciné quand j'ai appris ça, 25% des logements à Zurich sont détenus par ce type de coopérative. Donc c'est un poids super important à l'échelle d'une ville. Et alors, qu'est-ce qui rend ça possible ? Trois choses. La première, c'est que quand tu veux monter ce genre... Donc, un, il y a des mises à disposition de terrain systématisées par la ville de Zurich. Quand ils décident de construire, ils ne vont pas attribuer les espaces à n'importe quel promoteur. Ils vont les réserver à des coopératives qui doivent être agréées, qui cochent certaines cases. Et ensuite, pour faciliter le travail des coopératives, parce que ça coûte, même si tu as le sol pour pas trop cher, produire du logement, ça coûte beaucoup de sous, ils vont... Leur fournir une garantie bancaire relativement importante qui va permettre à la coopérative, avec un tout petit peu de capital, d'aller faire levier bancaire. Et en plus, sur une partie de l'argent qu'ils doivent emprunter, il y a une partie qui est prêtée par le fonds de pension du canton de Zurich à taux zéro. Donc ça fait que c'est un dispositif institutionnel qui rend ça possible et qui permet qu'on continue à construire aujourd'hui dans une ville méga chère avec un mode de construction coopératif. Et quand on y pense, pour pas très cher pour la ville de Zurich. Si on compare avec le modèle classique de construction de logements sociaux où la puissance publique doit investir énormément, ici, elle délègue d'une certaine manière et elle soutient sans trop d'investissement direct. Donc c'est intéressant aussi sous ce prisme-là et discutable. Puis alors, le modèle dont on parle toujours quand on aborde la question, c'est Vienne, dans laquelle là, ça explose carrément. Ils n'ont jamais arrêté de faire ce système-là. Dans les années 70, ils ont vraiment accéléré ça avec des concours pour mettre à disposition les terrains, un mécanisme de prêt public. Et bon, ici, chez eux, la spécificité, c'est qu'ils ont aussi vraiment régulé même le marché qu'on dit libre chez nous du logement est régulé. Dans les constructions de plus de 150 logements, il y a 66% des logements qui doivent être à prix plafonné, donc c'est très important. Et ça fait qu'on arrive à ça, quand même une ville où, en fait, en termes de marché complètement libre, il reste 30%, ce qui a quand même un effet important sur les prix du marché en général. Alors, nous, on lance ça à Bruxelles, et quand on présente tout ça, ils nous disent toujours « Ok, mais à Barcelone, c'est des gros gauchistes, avec Barcelone en commun, tout ça, nous, on n'en est pas là. » Et puis, les Suisses et les Autrichiens, ils ont commencé à s'entendre, donc c'est pas réaliste. Alors, je trouve que... À ce moment-là, c'est intéressant de parler de l'exemple de Berlin. Ce sera le dernier que je présente ici. Chez eux, justement, après la chute du mur, ils ont tout vendu à des grosses boîtes qui ont racheté Berlin quand c'était un peu pourri, pour des bouchées de pain. Ils ont racheté toute la ville, des grosses sociétés d'investissement. Ils ont laissé pourrir une grosse partie, ils ont laissé dans le but de spéculer purement et simplement. Ils n'ont pas rénové et les loyers ont doublé à Berlin entre 2009 et 2019. Et c'est une ville où il y a 85% de locataires. Ça veut dire que ça joue hyper fort sur la vie des gens, pas seulement sur les gens qui sont pauvres. Vraiment, tout le monde est concerné par ces questions d'augmentation des loyers. Et pour adresser directement la question de la propriété, je trouve que c'est une histoire passionnante. En 2020 ou 2021, je ne suis pas sûr, la coalition des rouges-verts ont fait passer une loi pour geler les loyers pendant 5 ans. Et donc ils ont fait passer cette loi, et puis cette loi au niveau du Land de Berlin, elle a été retoquée par la Cour constitutionnelle fédérale qui a dit c'est une trop grande atteinte à la propriété privée, on ne peut pas réguler les loyers comme ça. Et donc grosse victoire et puis grosse déception, et puis juste après ils ont dit ok, vous nous empêchez de geler les loyers, très bien, il y a un mouvement de citoyens qui s'est organisé pour faire passer un référendum dans lequel ils demandaient l'expropriation de toutes les boîtes, à part les coopératives, qui ont plus de 3000 logements, pardon. Donc il y a des boîtes qui ont des dizaines de milliers d'appartements à Berlin, et eux ils ont dit, tout qui a plus de 3000 logements se fait exproprier, donc si j'ai 3001 logements, je me fais exproprier un logement, si j'ai 10 000 logements, je m'en fais exproprier 7 000. Et ils sont venus avec 4 demandes assez précises. Donc, on les exproprie, la loi allemande le permet dans la Constitution, enfin dans les lois fondamentales, l'article 14 et 15. Mais ça doit aller avec une indemnisation. C'est là-dessus que se joue évidemment le cas, parce que les grosses compagnies disent « Ok, tu veux m'exproprier, vas-y, mais à prix marché d'aujourd'hui. » Et le cas, c'est que les organismes citoyens disent « non, on va t'exproprier au prix auquel tu l'as acheté dans les années 80-90, parce qu'en fait, c'est toi qui as fait augmenter les prix en faisant rien. » Donc, le cas se joue là, c'est vraiment une question pour tous ceux qui sont des juristes dans la salle, qui me font pétiller tout. C'est passionnant. Donc, on va voir ce qui se passe. Le gouvernement en place est moyen chaud de mettre ça en place. Alors, chez les ultra-rouges et un peu chez les verts, ils disent pourquoi pas, mais genre le PS de chez vous, ils disent bah, pas mal, c'est pas bien, c'est pas gentil. Et donc, ils freinent un petit peu, et justement, là, ils sont en train de relancer un nouveau référendum qui, cette fois, sera. Comment on dit ? Ah, le mauvais chat. Enforced. Ils devront le faire si le référendum passe. Cette fois, ils vont refaire passer la même question, mais si ça passe, il faudra le mettre en place. C'est un litige qui va durer sans doute très longtemps, mais qui est intéressant de suivre sur ces questions, sur ces questions-là. Et alors, pour boucler, je pense que c'est intéressant, quand on s'intéresse à ces questions de propriété et sur la place qu'il y a pour le commun face à un ordre propriétaire, disons, qui gère le foncier de cette manière-là, c'est de penser comment est-ce qu'on peut faire contre la propriété. On a l'exemple des ZAD, je n'ai pas abordé ici, et des squats, de ceux qui disent ben, « moi, je m'en fous de la propriété, en fait, on va vous empêcher de faire votre projet parce que notre projet à nous est mieux ». Ils se justifient pour des raisons écologiques, sociales, etc. Ceux-là, en général, ils perdent contre la police à un moment ou à un autre, ou contre eux-mêmes, ou bien s'ils gagnent, ils sont obligés de rentrer dans une case institutionnelle. C'est ce qu'on a vu, l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, super intéressant là-dessus. À un moment, on dit bon, ça va, on arrête de vous faire la guerre, vous avez gagné, et puis par contre, vous devez rentrer dans une case administrative ou une autre. Et donc, il faut se poser la question suivante, c'est comment est-ce qu'on va faire avec la propriété. Et donc, le code civil est comme il est, on doit chipoter entre les différents véhicules. Donc il y a un bricolage juridique qui doit être mis en place, un peu do it yourself, dans lequel on l'a vu tout à l'heure, il y a les fonds de dotation, il y a les coopératives, il y a les community land trust, les mid-sizer syndicats, les CLIP, enfin les différentes façons d'arbitrer le droit. Et puis je l'ai passé là maintenant, mais c'est la question de sens, comment on peut faire. Et allez, la technique de l'autruche, en gros, on fait dans les interstices, comme si la propriété n'existait pas, parce que pendant 3, 4, 5 ans, on arrête de nous emmerder avec la rente, on nous laisse tranquille pendant un petit temps, mais à un moment, ça nous revient dans la tronche si on ne s'y est pas préparé avec un bricolage. Et je trouve que dans ce que j'ai présenté juste dans la deuxième partie, c'est de dire, arriver à faire le passage à l'échelle, je suis en train de finir, le passage à l'échelle de ces formats bricolage pour arriver à les institutionnaliser dans des politiques publiques qui prennent ça en main, qui font ces partenariats publics communs et qui doivent trouver ce juste équilibre entre la nécessité de garantir l'intérêt général. Il ne faut pas que ça devienne des coopératives juste pour plein de copains qui sont des bobos qui veulent vivre ensemble, même si c'est très chouette. Il faut aussi réfléchir bah, qui va accéder, comment on distribue ces terrains, à qui, selon certains mécanismes publics, et en même temps que ces trucs-là ne tuent pas l'initiative, l'auto-organisation, la démocratie vraiment participative, et de trouver ces équilibres-là à l'intérieur d'un système qui fonctionne sous l'ordre propriétaire. Et donc ça ouvre évidemment la dernière question qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui, je te promets, qui est, d'ailleurs parce que j'ai pas du tout les réponses, c'est est-ce qu'on ne devrait pas penser au-delà de la propriété ? Est-ce qu'en fait le concept de propriété ne pourrit pas la vie pour que les communs puissent continuer à croître, à grandir, à prendre de l'espace et à devenir en fait la norme ? Est-ce que le droit de propriété comme il existe n'est pas un frein ? Ça nous invite alors à réfléchir. Est-ce qu'on doit penser une propriété alternative, une autre manière d'envisager ou d'interpréter la propriété ? Il y a des travaux de juristes et de philosophes là-dessus. Ou de l'autre, est-ce qu'il faudrait des alternatives à la propriété faire sans ? Je vous remercie pour votre attention.